Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Comme à l'habitude, pour plonger, pour jaser, pour parler de cet univers merveilleux qu'est le 9e art, qu'est la bande dessinée. Cette semaine, on va se donner du temps d'abord pour faire un peu de rattrapage. En fait, côté actualité, beaucoup de prises et récompenses qui ont été offertes au fil des dernières semaines, notamment du côté d'Angoulême. Alors, on en profitera peut-être pour faire une petite mise à jour de ce côté. Et en même temps, des fois, en début d'année, je ne sais pas pour vous, mais surtout en plus avec la température qu'il fait à l'extérieur, en fait journée de tempête en ce vendredi, tempête assez imposante. Alors, on cherche peut-être parfois des idées de lecture, des perspectives, alors on en aura amplement pour vous. Et puisqu'on est là-dessus, d'ailleurs, je fais une parenthèse d'entrée de jeu avec les finalistes 2020 du prix des libraires. Vous avez peut-être vu ça passer, entre autres, sur les médias sociaux. Donc, de la liste longue, on en arrive à la liste un peu plus courte. Et donc, trois titres en bande dessinée québécoise qui ont été sélectionnés. Trois en bande dessinée hors Québec. Bande dessinée québécoise, ils ont choisi Boot Black, le tome 1 de Michael, Contact de Mélanie Leclerc et La Grosse LED de Marie-Noëlle Hébert. Trois titres d'ailleurs, en fait, qui sont de faciles recommandations côté lecture que je vous ferai également. Boot Black, on s'en rappelle, qui nous amène dans un contexte très humain, dans le New York des années 30, et après Giant qui nous amenait vers les gratte-ciels. Boot Black qui nous amène plus au niveau du sol. Contact, l'histoire d'une relation entre un père et sa fille, l'histoire du partage d'une passion entre un père et sa fille, donc la passion de l'image, la passion de la photographie. Un livre, enfin, premier album assez surprenant qui a pris tout le monde de court et qui a séduit à peu près tout le monde à qui j'en ai parlé. Il était déjà d'ailleurs dans nos coups de cœur de début d'année, si vous nous suiviez autour du 10 janvier, sinon c'est en balado. Troisième titre, La Grosse LED, dont on a parlé, si mémoire est bonne, la semaine prochaine ou la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, un récit très intime, très simple, sur un regard faussé par rapport à son corps, donc un témoignage riche que nous offre ici Marie-Noëlle Hébert, et encore là une première BD. Et pour moi, c'est un peu, il y a un côté un peu hallucinant cette année, en fait, les premières productions arrivent et des auteurs comme ça qui arrivent, je dirais pas de nulle part, mais j'ai presque envie de le dire, avec des œuvres quand même d'une belle maturité. Juste la semaine dernière, on jasait avec Antoine Buisson et son Mouchquetaire, ben encore là, on a un récit d'une belle maturité. Brigitte Archambault avec le projet Chatsung, Thomas Desaulniers-Brousseau avec Les jours d'attente. Donc, juste dans le dernier automne, là, on a vraiment une série de beaux premiers albums avec Contact et La Grosse LED. Et si on creuse encore un peu dans l'année, on va en trouver d'autres, des excellents premiers albums, qu'on pense à Stéphane Lemardelet, entre autres avec Le Nouveau Monde Paysan au Québec, qu'on pense à d'autres titres comme ça, là, qui vraiment viennent nous chercher, Mort et déterré, entre autres, première BD de Jocelyn Boisvert. Donc, plein de beaux titres comme ça. Alors bref, c'est pas surprenant dans le contexte d'une année comme celle-là qu'on ait dans une sélection comme le Prix des libraires, deux premiers albums dans les finalistes. Ce sera intéressant de voir d'autres prix québécois d'ailleurs qui arriveront dans les prochaines semaines. Je pense entre autres au BDIS, Causa. Et du côté bande dessinée hors Québec, on nous propose In Waves de A.G. Dungo, le dernier Atlas, tome 1 de Fabien Vellman, Gwen de Bonneval, Hervé Tancrel et Frédéric Blanchard, et Speak d'Émilie Carroll. Là-dessus, de mon côté, je pêche de retard avec In Waves et le dernier Atlas, des retards qui seront rattrapés dans les prochaines semaines. Et je viens presque tout juste de finir Speak d'Émilie Carroll. Je vous en reparlerai sûrement en cours d'émission. Quel album, vraiment, et quel propos riche. Donc, c'est trois albums, de ce que j'en ai compris, qui sont à découvrir également. Dans mon cas, un sur trois, là, qui est effectivement doublement entériné. Alors, bref, je ferme cette parenthèse sur les prix 2020 des libraires. On reviendra sur d'autres prix en cours d'émission. Mais sinon, outre les prix et les critiques d'albums, de quoi va-t-on jaser aujourd'hui? Mais entre autres, en deuxième moitié de parcours, on aura Michel Giguère qui sera avec nous. On a beaucoup parlé avec Liv Tan dans la dernière année. Enfin, on l'a rencontré à trois reprises en 2019 pour décrypter son triptyque Rédemption. Et on va aller un peu plus loin maintenant avec Michel Giguère qui va nous proposer donc sa voix analytique, certes sur Rédemption, mais aussi plus largement sur l'œuvre de Tan, donc Morlaq, L'origine de la vie et les autres. Alors, ce sera en deuxième moitié et toujours en préliminaire d'un rendez-vous de la BD à venir. Et dans quelques instants, là, dans quelques minutes, on va jaser avec Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD, de retour d'Angoulême. Et entre autres choses, évidemment, c'est pas une nouveauté pour Thomas-Louis d'aller faire un tour à Angoulême. Il y est à chaque année. Mais par contre, c'est la première année qu'il accompagnait l'entrée d'un auteur au musée de la bande dessinée d'Angoulême. Donc, qui accueille déjà des œuvres de Calvo, de Franquin, d'Uderzo, de Moebius et de bien d'autres. Donc, c'est une prestigieuse collection. Et, ben, justement, Albert Chartier a donc rejoint cette collection il y a quelques semaines. Alors, on va prendre quelques instants avec lui pour se faire offrir un peu l'historique et le contexte de ce nouveau partenariat. Alors, ben, voilà donc pour le menu de la vie en BD ici sur CKRL 89.1. Écoute de la vie en BD, je parlais tantôt de balado diffusion, ben je vous rappelle que vous pouvez trouver l'ensemble des émissions depuis pratiquement 2011 sur laviebd.wordpress.com. On va essayer de faire le ménage éventuellement un peu du site pour le rendre plus sexy, mais d'ici là, vous pouvez y aller. Et ce qu'on écoutait, c'est Trash 80 avec leur album Archival volume 1. Alors qui va nous accompagner d'ailleurs toujours en 8 bits tout au long de l'émission. Et on le mentionnait d'entrée de jeu, donc profitant de l'ouverture du 47e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, Québec BD a tenu à souligner l'obtention par la ville d'Angoulême en octobre dernier du statut de ville littéraire de l'UNESCO, un statut qui est partagé par la ville de Québec d'ailleurs depuis quelque temps déjà, et donc ils ont souligné ce statut en offrant à son musée de la bande dessinée une planche originale d'un auteur incontournable de l'histoire de la BD québécoise, Albert Chartier. Alors pour nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, ben Thomas-Louis Côté est avec nous, donc Thomas Louis qui est directeur général de Québec BD, bonjour. Bonjour. Alors ben en fait, peut-être d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça représente en fait, donc Albert Chartier, Onésime, donc une planche de cette bande dessinée-là qui rejoint dans ce musée de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême des œuvres des plus grands noms du 9e art, donc c'est quelque chose d'important là, somme toute. Oui, mais dans le fond, le musée de la bande dessinée d'Angoulême, qui relève de la cité, de la bande dessinée et de l'image, est peut-être la plus grande institution muséale d'Europe consacrée à la bande dessinée, assurément même, je dirais, avec une importante collection de livres, bien sûr, mais aussi de planches originales d'artistes de toutes les époques, puis de plein d'origines. On parle de 15 000 planches, donc c'est extrêmement important. Et parmi tous ces planches-là, il y avait très peu d'artistes québécois qui étaient représentés. Il y a quelques artistes comme, par exemple, je pense, Jimmy Beaulieu, Julie Rochelot, Michel Rabagliati, qui avaient des planches, mais lorsqu'on parlait de l'histoire de la bande dessinée québécoise, ça n'en faisait pas partie. Donc, pour nous, c'était intéressant de voir comment on pourrait amorcer cette présence-là de l'histoire de la bande dessinée québécoise dans leur collection. Et donc, ça, c'est l'idée de départ, dans le fond. Et j'imagine que ça a été un long processus pour réussir à passer de l'idée de départ à la réalisation que vous avez fait fin janvier dernier. Ben, comme tel, pour avoir accès à la planche, c'est sûr qu'on a dû rentrer en contact avec la famille puis un représentant de la famille pour voir comment pouvoir mettre la main sur une des planches, parce qu'il y en a très peu en circulation qui sont mis à la vente, si on veut, et surtout, il y en a très peu en très bon état. Donc, nous, on souhaitait vraiment avoir une planche en bon état pour remettre au musée, et on a réussi, bien sûr, à notre but, là, aller chercher cette planche-là et aller la remettre lors d'un repas inaugural, dans le fond, de la Fondation du 9e art du Musée de la bande dessinée. Et du côté d'Angoulême, est-ce que j'imagine qu'il y a d'autres démarches en parallèle? Donc, d'un côté, il y a la famille, on va s'assurer qu'il y a un intérêt, on va mettre la main sur la planche. De l'autre, il faut s'assurer qu'elle soit bien reçue du côté du musée. Exact. Donc, bien sûr, j'étais en lien avec les gens du musée pour et de la ville d'Angoulême même, parce que c'était dans le cadre de, comme tu le mentionnais, là, de rencontres autour des villes littéraires de l'UNESCO. Donc, pour leur signifier notre intérêt à donner cette planche-là. Puis l'idée a été extrêmement bien reçue. Donc, ils nous ont fait une place de choix, si on veut, dans les activités qui étaient prévues. J'ai eu l'occasion de remettre la planche devant peut-être une centaine d'invités qui constituent les membres inaugurales de la Fondation du 9e art qui vient tout juste d'être mis en place par la Cité internationale de la bande dessinée. Donc ça, c'est on parle de la directrice générale du CNL et des directions du musée, bien sûr, mais aussi plein de partenaires et d'acteurs du milieu de la bande dessinée d'un peu partout. Donc pour moi, c'était très stimulant de montrer justement l'intérêt du Québec à tisser des liens avec cette institution. Là, et à mettre de l'avant en expliquant un peu qui était Albert Chartier, là, l'œuvre de ce grand monsieur de la bande dessinée québécoise. Oui, parce que dans le fond, tu le disais tantôt, la BD historique québécoise, la BD québécoise en général n'a pas une énorme place au musée, mais d'autant plus du côté de la BD historique. Donc, est-ce qu'on a l'impression qu'avec des démarches comme ça, bien tranquillement, en parallèle, dans le fond, d'initiatives au Québec, on pense par exemple à des programmes comme LUCO qui stimulent la recherche autour de la bande dessinée, bien que justement, on va éventuellement créer ou bonifier l'intérêt de la francophonie par rapport à l'histoire de la BD ici au Québec? C'est un peu un axe que le Québec BD a pris depuis quelques années, là, d'essayer de mettre de l'avant des auteurs qui ont forgé l'histoire de la bande dessinée québécoise. On le fait avec des gens plus récents, on parle de Chien Dent, des gens comme Henriette Valium, mais aussi des gens de la première époque, comme Paulin Lessard, Yvette Lapointe et d'autres. Donc, c'est vraiment un intérêt qu'on a, nous, comme organisme, d'essayer de montrer le patrimoine de la bande dessinée québécoise. C'est sûr que il y a eu des rencontres à Angoulême. On a fait des liens qui devraient se répercuter vers des réflexions autour de la mise en valeur et de la conservation du patrimoine de la bande dessinée québécoise. On devrait annoncer quelque chose à ce niveau-là lors du festival en avril prochain. Donc, il y aura des suites à très court terme. Oui, effectivement. Et on a des bons partenaires dans tout ça, notamment la Cité, mais aussi le Centre belge de la bande dessinée, qui était présent aussi, donc avec qui on a eu des très bonnes discussions. Et j'imagine, à travers tout ça, pour une première bande dessinée historique au Québec, le choix d'Albert Chartier, c'est un peu imposé aussi pour Québec BD comme un incontournable. Oui, parce que en même temps, je savais que j'allais pouvoir mettre la main sur une planche, ce qui n'est pas le cas de bien des auteurs de la première époque. Et Albert Chartier a quand même une importance majeure dans le développement de la bande dessinée québécoise de par la longévité de sa création. C'est quelqu'un qui a commencé vers la fin des années 30 et qui a publié sa série Un Onésime de 1943 à 2002. Je veux dire, c'est plusieurs générations qui ont été touchées par son œuvre. Effectivement, et des fois j'ai l'impression justement qu'on en dehors de quelques noms, puis je trouve que c'est une initiative qui est stimulante justement d'aller chercher un peu avant les années 70, donc de nous montrer ce qu'était la bande dessinée, de la valoriser. Onésime, c'est peut-être en fait la pointe de l'iceberg qui est la plus connue de cette époque-là, et quand tu mentionnes Lessard, Lapointe et d'autres, ben il y avait quand même je dirais pas un milieu, mais il y avait des auteurs, il y avait une BD québécoise avant les années 70. Ben, le premier âge d'or de la bande dessinée québécoise, mais c'est au début du 20e siècle. On parle de 1904 à 1913, je crois, où il y avait vraiment un essor de la bande dessinée québécoise qui, malheureusement, a connu une chute due à l'arrivée massive de strips américains qui étaient traduits. Mais il faut savoir que les journaux de l'époque, on parle de la fin du 19e siècle puis au début du 20e siècle, montraient beaucoup de bandes dessinées et d'illustrations. Donc, il y avait une place à la création qui était importante, là. Oui, puis en fait, qu'il y a des crues, justement, puis tu le mentionnais, avec l'arrivée des strips américains, avec l'arrivée des publications un peu beaucoup plus large bande qui ont un peu, dans le fond, entre guillemets, tué cet essor-là. Oui, puis on le voit encore aujourd'hui, l'effet de tout ça, parce qu'il y a très peu d'auteurs québécois qui réussissent à être publiés dans les quotidiens pour des strips. Il y a Daniel Shelton avec Ben, bien sûr, mais c'est à peu près le seul qui réussit à faire sa marque. Les autres strips sont bien sûr des strips américains qui sont diffusés à grande échelle. Et donc, Thomas-Louis, en terminant sur ce sujet-là, dans le fond, Angoulême, donc il y aura des suites donc au festival. Donc, ça veut dire aussi que, un peu à l'image des partenariats que Québec BD a mis en place avec des villes comme Lyon et d'autres, donc il y a vraiment une volonté de développer un réseau de villes BD, si on peut dire, de villes amies par rapport à Québec, dans le fond, et autour du festival et autour de l'animation et de la valorisation de la BD québécoise. Oui, ben je pense que c'est la volonté de promouvoir la bande dessinée québécoise passe justement des fois par la mise en place de partenariats comme ceux-là qui permettent de créer des vitrines ou d'amener des auteurs à visiter différentes villes dans le monde pour promouvoir ce qui se fait ici, là. Et on aura sûrement l'occasion de se reparler plus en détail aussi autour du festival. Tu dois être en plein là-dedans puisque c'est du 11 au 19 avril prochain, là, le 33e Festival Québec BD. On passe en vitesse supérieure là, vu qu'Angoulême est terminé. J'imagine que là, exact. C'est à temps plein, deux mois intensifs dans le festival. Exact, exact. Donc, mon ordinateur est pas mal toujours ouvert ces temps-ci. Alors, ben, très hâte de voir la programmation. Ça devrait être annoncé à peu près quand? On va en dévoiler une première partie vers la mi-février, puis après ça, ça va s'échelonner jusqu'à la conférence de presse du Salon du Livre, qui est autour du 10 mars. Alors, on suit ça avec une grande attention. Thomas-Louis, bravo pour l'initiative autour d'Angoulême et de Chartier. Merci. Et à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, d'ailleurs, ben, sur le festival, il reste, on vous redonne le site aussi, québecbd.com, où ben, la plupart des nouvelles dont Thomas-Louis faisait mention vont couler. Ben, ça va être de ce côté-là, entre autres. Et ben, on est bien curieux de voir qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses. On retourne en musique. Tiens, puisqu'on parlait d'Angoulême, ben, mentionnons tiens, le palmarès officiel 2020 du 47e Festival international de la bande dessinée qui a été annoncé, évidemment, avec la fin du festival il y a de ça quelques jours déjà. Plusieurs prix qui ont été sélectionnés parmi une multitude de mises en nomination. Alors, ben, mentionnons d'entrée de jeu le prix du Fauve d'art, en fait, du meilleur album a été offert à Révolution, donc Liberté, premier tome, c'est de Florent Goisel et Johan Locard. Donc, un premier volet d'un récit qui focalise sur l'année 1789 et donc le vent de la Révolution, un projet qui a été largement documenté, donc deux jeunes auteurs qui retracent donc la période révolutionnaire et ben, graphiquement, en fait, je ne l'ai pas lu personnellement, mais on dit que c'est très beau et très intéressant. Alors, très curieux de mettre la main dessus. Donc ça, c'est le Fauve d'art. Le prix spécial du jury a été donné à Clive Fans de Sept chez Delcourt. Sept, évidemment, auteur canadien bien connu. Donc, travail il y a d'à peu près 20 ans. Clyde Fans, c'est l'histoire de deux frères qui ont hérité de l'entreprise de leur père après que celui-ci les ait abandonnés. Seth, qui évidemment n'a pas son pareil comme auteur, donc des histoires qui méritent largement le détour, nous dit-on. Le prix de la série a été offert, lui, à Dans l'abîme du temps, de Gutanabe et d'après Lovecraft, ça c'est chez Ki-Hoon. Gutanabe, en fait, vous l'aviez peut-être déjà vu passer pour ses montagnes hallucinées, prix qui avait, livre en fait, qui avait remporté le prix Asie de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Alors, dans ce cas-ci, ben, Gutanabe poursuit donc son adaptation des romans de Lovecraft. Donc, après l'Antarctique qui s'en va vers le désert australien, et on parle en fait d'un manga qui donne vraiment corps là, à ce chef-d'œuvre de la science-fiction qu'est Dans l'abîme du temps. Révélation, ça c'est Lucarne de Joe Kessler du côté de l'association, donc une œuvre avec 5 histoires courtes, imprégnées de couleurs fortes. Donc l'idée de traduire les sensations les plus intimes des personnages, donc une aventure assez particulière. Prix jeunesse Les Vermeils de Camille Jourdi, ça c'est chez Actes Sud. Jeune adulte Le Tigre des Neiges d'Akiko Higashimura, c'est chez Les Arts Noirs. Le prix de l'audace à Actes de Dieu, il y en a des prix, ça finit plus là, sincèrement. Donc Actes de Dieu de Giacomo Nani, ça c'est chez Ici Même. Ça relate l'histoire d'un séisme qui en 2016 en Italie causait la mort de près de 300 personnes, près de 400 blessés également. Et Nani piège donc dans l'instant un récit choral qui fait parler les lieux, les endroits, les gens qui ont habité cet endroit avant cet acte de Dieu. Prix Patrimoine a été offert du côté de La Main Verte et autres récits de Nicole Clavelou et Edith Zah. Ça, c'est chez Cornelius, donc premier volume d'une anthologie consacrée à Clavelou, qui est peintre, illustratrice jeunesse, dessinatrice de BD. Elle a fait Métal Hurlant, Anana et autres. Donc, c'est un recueil. Les Fauves d'honneur ont été offerts à Yoshiharu Tsuge, Nicole Clavelou et Robert Kirkman. D'autres prix également, toujours à Angoulême, le Fauve Polar SNCF a été offert à No Direction d'Emmanuel Moineau chez Sarbacane, un road movie, récit choral également, donc on suit deux tueurs en série dans leur course folle à travers l'Amérique, à la manière d'un cinéaste filmant caméra à l'épaule. Le prix de la BD alternative a été donné à Kamikaze, donc une BD croate. Le prix du public à Saison des Roses de Chloé Vary chez FLBLB. Alors, sinon, prix découverte, on le mentionne d'entrée de jeu, là, c'est La Quête d'Albert d'Isabelle Arsenault chez La Pastèque qui a gagné le prix des écoles 2020 d'ailleurs. Donc, félicitations également donc, à Madame Arsenault. Ah, voilà. Sinon, d'autres prix à Angoulême, puisqu'on est dans les prix, là. 12e prix Schlingo a été offert à Cher Dictateur. Donc, contexte pour le prix Schlingo, ça a été créé en 2009 en hommage à Charlie Schlingo, à l'initiative de Florence Questac et Yves Poineau. Alors, donc, cette année, ça a été décerné en marge donc, du Festival d'Angoulême à Fabien Toulmé et Calou pour leur album Cher Dictateur, sorti du côté de Fluide Glacial. Et l'idée, dans le fond, du prix, c'est d'ailleurs de récompenser un album ou un auteur qui a une communauté d'esprit avec l'œuvre de Schlingo. Donc, dans le cas de Cher Dictateur, on parle d'une farce absurde et satirique qui a été publiée dans Fluide Glacial, donc celle de Yevgeny Ier, le dictateur du Zaboulistan, confronté au soulèvement de son peuple. Sinon, toujours à Angoulême, le prix Kouyoku également qui a été remis. Prix Kouyoku, c'est toujours très imagé comme prix d'ailleurs, c'est deux testicules pendantes au centre d'un cadre de bois. Qu'est-ce que c'est ce prix? Donc essentiellement, c'est l'idée de récompenser le courage artistique d'un auteur, quelque genre que ce soit le BD, dessin de presse, humour, qui subit les menaces dans son pays. Alors, donc le prix pour cette année a été remis au dessinateur algérien Nîmes. Donc, Nîmes en fait est de chroniqueur BD dans le supplément Week du quotidien El Watan. Il était accueilli d'ailleurs en résidence à la Maison des auteurs d'Angoulême pour y développer un projet qui s'appelle Anecdote, dans lequel il met en scène la société algérienne et le quotidien d'un jeune dessinateur. Fin 2019, Nîmes a été condamné à cause d'un dessin à un an de prison avec sursis, dont 3 mois ferme pour offense, dit-on, au président de la République, outrage à un fonctionnaire de l'État et distribution de documents de nature à nuire à l'intérêt national. Alors, vient d'être libéré, mais n'a toujours pas récupéré son matériel informatique. Alors, vous voyez un peu l'esprit de ce prix. Et l'idée est justement aussi d'amener, de faire connaître un peu ses auteurs, de les amener à être un peu mieux connus dans le... La communauté BD internationale pour justement, peut-être par cette renommée additionnelle-là, pouvoir poursuivre leur travail, sachant qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu plus conscience de justement leur travail. Et j'ai envie de rester dans les prix, j'espère que je vous assomme pas trop. On va se prendre quand même 3 minutes pour se remettre à jour. Alors, le prix BD de la FNAC France Inter a été remis à In Waves d'E.G. Dungo. Comme on disait tantôt pour le prix des libraires, In Waves, c'est un ouvrage dont vous allez sûrement réentendre parler sporadiquement. C'est un album qui a fait plusieurs palmarès à date. Donc, In Waves qui immortalise les instants de grâce de sa relation avec Kirsten, donc l'auteur qui fait cette immortalisation-là, s'accompagne donc atteinte d'un cancer des os. Il évoque en parallèle leur passion commune pour le surf. Alors, donc, un album qui donc a obtenu ce prix prisé. Et si on va du côté de la Belgique, d'ailleurs, la FNAC a également remis son prix. Ils ont choisi, eux, jusqu'au dernier, un western de Jérôme Félix et Paul Gastine. C'est un western qui se déroule à une période méconnue où les cow-boys étaient progressivement remplacés par le train. Alors, ben, on verra. Et sinon, peut-être j'enchaîne rapidement sur quelques prix avant d'aller en pause. On parle des Racines de la colère qui a eu le prix France Info 2020. France Info qui, eux, choisissent de récompenser des bandes dessinées de reportage, des bandes dessinées de documentaires. Alors, pour ce qui est des Racines de la colère, ben, c'est sous-titré 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche. Alors, c'est un roman photo de 160 pages où le photojournaliste, donc Vincent Jaroussa, a passé 2 ans à Denain, dans le nord de la France, a suivi 8 familles dans l'une des communes les plus pauvres de France. Alors, l'idée, donc, à travers la photo, ben, c'est de restituer l'image, mais la parole devient nécessaire aussi pour, justement, restituer le témoignage et leur donner peut-être une voix qu'ils n'ont pas nécessairement. Alors, ça, c'est pour le prix France Info. Sinon, Artemisia 2020 a été remis à Ada, roman graphique de Barbara Baldi qui traite de l'émancipation féminine et de sa libération, donc par la réalisatrice d'une œuvre, donc Grand Prix 2020. Le Point, eux, ont choisi Le Loup pour le prix Volinsky, donc Le Loup de Jean-Marc Rochette, un duel entre un homme et un loup au cœur des montagnes. Landerneau BD, eux, ont pris Les Indes fourbes, dont nous, on vous avait parlé aussi dans nos coups de cœur en club de lecture, donc l'album d'Alain Hérol et Joanjo Guarnido, qui a été sélectionné par ce jury de libraires. Donc, qui est un roman picaresque qui se veut la suite d'un roman de Francisco de Quevedo qui narre les aventures de Don Pablo de Ségovie au 16e siècle en Amérique du Sud. Et sinon, ben, avant de s'assommer collectivement, donc je mentionne le prix René Goscinny 2020 qui a été remis à Gwen de Bonneval et Fabien Vellman pour Le Dernier Atlas, et on fait la quadrature du cercle avec le prix des libraires également qu'il avait sélectionné dans son palmarès. Alors voilà, pour cette petite mise à jour, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Cette semaine avec la 8-bit planante de Trash 80 qui nous accompagne avec l'album Art Level volume 1. Trash 80 qui ne fit pas. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre la musique qu'ils font et le nom qu'ils ont. Mais bon, c'est bon. Alors, on s'en plaindra pas. Tiens, d'entrée de jeu, j'avais mentionné cette bande dessinée quand on faisait la tournée là, du prix des libraires, et ma foi, ça semble être devenu le thème de l'émission. Speak donc d'Emily Carroll, bande dessinée adaptée du roman de Laurie Alce Anderson, un roman qui a eu quand même un beau succès de ce que j'en ai compris. Sincèrement, je suis complètement déconnecté de la réalité du roman, donc je ne fais que de la BD. Alors, si on me dit que ça a été un best-seller, je vais le croire. En fait, ça a dû être à tout le moins assurément fait une histoire absolument bouleversante à lire, puisque ce l'était à découvrir par le biais de la bande dessinée. Alors, essentiellement, ce qu'on découvre, on pourrait dire que c'est un peu un journal intime ou façon journal intime. Donc, une bande dessinée qui met en scène Melinda, une ado d'une quinzaine d'années, qui était une élève très correcte, voire même bonne par moment, et qui, pour une raison X, suite à une fête, à un moment donné, un été, tombe dans une certaine dépression, arrête de faire des efforts, commence tranquillement à se déconnecter de sa réalité, va lancer des appels à l'aide dans un foyer qui est un peu perturbé à certains égards, va perdre amitié sur amitié sur amitié, donc un gros contexte extrêmement difficile, extrêmement dense, qu'on découvre au fil des pages. Évidemment, qu'on finit par raccrocher, sans qu'on nous le dise, éventuellement on nous le confirme, à justement un viol qu'elle a subi un peu avant de revenir vers l'école et qui influence complètement l'ensemble ensuite de ses relations. Ce viol, évidemment, on le devine, éventuellement on va nous le montrer. Et une dynamique, en fait, donc où j'amène un peu l'aspect journal intime, où justement, on en sait autant que la personnage, que Melinda, donc qui est au cœur de ce récit-là, dans la manière dont Carol a choisi d'amener le récit. Donc, on sait ce qu'elle pense, on se doute, éventuellement, on sait ce qu'elle a vécu, mais sans que les gens qui l'entourent sachent ce qu'elle pense ou ce qu'elle a vécu, puisque justement, elle décide un peu de se couper du monde, de s'isoler, d'arrêter de, en partie de parler le reste. Et donc, l'aspect journal intime vient un peu à travers justement des pensées, des réflexions qui accompagnent les échanges, donc des choses qu'elle aimerait dire, des choses qu'elle pense, mais qu'elle ne dirait pas. Et donc, qui viennent teinter un peu cette lecture-là et qui nous amène justement toujours une couleur additionnelle, une compréhension additionnelle de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se vivre. Et dans le contexte d'un récit avec un sujet comme celui-là, ben, on devine que ça devient un outil qui est très précieux justement pour aller un peu plus loin, pour creuser un peu plus, pour comprendre un peu plus et pour réussir aussi à nous faire comprendre, nous faire saisir les traumatismes, les violences psychologiques, les défis auxquels elle fait face suite aux événements traumatisants qu'elle a vécu et suite à la décision qu'elle a prise malgré elle de ne pas les communiquer, de ne pas les partager parce qu'elle n'en a pas la force, parce qu'elle a l'impression que c'est de sa faute, parce qu'elle se sent, elle a la peur d'être jugée et le reste. Et donc c'est le cheminement qu'elle va faire personnel au fil de cette année-là en montée et en descente pour peut-être éventuellement en venir à réussir à en parler, à réussir à le vulgariser, à réussir à s'en libérer. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement intime, qui est traité avec avec une finesse très belle, une belle sensibilité. Donc, les émotions sont là, sont présentes, on voit les influences, on comprend. Il n'y a pas de noir ou blanc, il y a des belles nuances de gris à travers tout ça. Et ça nous permet, dans le fond aussi, de saisir et de comprendre ce que vit la victime au fil de ces pages-là, comment elle a pu sentir, se percevoir. Donc, c'est une autre BD sur un sujet difficile qui est amené de manière intelligente, de manière riche, de manière solide. Je dis une autre parce que, ben, on pense, exemple, aux Trois carrés de chocolat et à d'autres titres qui, justement, ont amené un peu cette dimension-là, nous amènent un peu dans cet univers-là, dans cette compréhension-là. Et dans ce cas-ci, quand je l'ai vu justement en mise en nomination dans certains prix, ben c'est facile de comprendre pourquoi. Alors, une bande dessinée que j'aurais pas honte de vous recommander, bien au contraire, évidemment pas une lecture facile, mais une lecture profondément humaine qui mérite largement le détour. Donc ça, c'est donc Speak de Emily Carroll, d'après le roman de Laurie House Anderson. Et puisqu'on est un peu dans les réflexions à caractère féminin, je l'avais mentionné brièvement, mais je me suis dit, bon, on peut revenir, je peux me prendre un 3 minutes pour vous en parler un peu plus en détail. On en avait parlé dans les coups de cœur 2019, mais les deux vies de Pénélope de Judith Van Nistendael. Judith Van Nistendael qui, en 2012, m'avait littéralement scié déjà avec David, Les femmes et la mort, une bande dessinée que je ramène depuis, mon Dieu, déjà presque 8 ans dans mes propositions, dans mes sélections, je l'amène dans le club de lecture, dans Read Over et ailleurs. Une bande dessinée qui nous raconte, dans le fond, l'histoire d'un cancer, donc celui de David, mais vu par trois femmes qui partagent à différents degrés son existence, donc son ex-femme, sa conjointe actuelle et sa fille, avec un dessin qui est très, très sensible, qui est très simple, une bande dessinée qui était efficace, mais qui était riche émotionnellement, ou lourde émotionnellement, les deux en même temps, et avec les deux vies de Pénélope, donc on continue un peu de creuser dans le sillon humain, et ici, ben, on découvre donc une femme, Pénélope, qui partage essentiellement sa vie entre Bruxelles et Alep, donc entre une vie de famille ordinaire à Bruxelles avec un mari gentil, une fille gentille, adolescente, et Alep en zone de guerre où elle est médecin, donc dans des urgences où elle voit des cas impossibles. Et depuis une dizaine d'années, elle enchaîne les missions là-bas parce que c'est là qu'elle se sent utile. Quand elle est chez elle, elle a l'impression de moins servir, de moins être utile parce qu'elle n'est pas au front. Et quand elle est chez elle, elle se sent inadéquate parce que justement, elle passe tellement de temps à l'étranger, tellement de temps à distance, qu'elle ne trouve plus sa place dans cette famille-là, qu'elle ne sait plus exactement où se positionner, et qu'elle a l'impression justement qu'elle est accessoire d'un côté, et de B, que de par justement l'action très forte qu'elle accomplit à Alep, eh bien, qu'elle trouve peut-être un peu moins signifiant l'idée de vivre une vie ordinaire. Alors, elle essaie de trouver des façons de conjuguer l'une et l'autre. Et dans le moment où on la retrouve, eh bien, cet effort déconjugué est mis à mal par le fait que peu à peu, ben, les gens qu'elle n'a pas pu sauver, entre autres des enfants qu'elle n'a pas pu sauver, ben, l'accompagnent un peu dans son esprit, dans ce retour. Et donc, c'est vraiment, encore là, un récit extrêmement humain, extrêmement poignant. Vanistan Dael, qui se restreint, qui ne porte pas jugement sur ses personnages, sur les choix qu'ils font. Le dilemme est bien exposé, bien exprimé. Nous permet de nous faire une tête, d'imaginer peut-être, justement, quelle pourrait être la suite des choses, mais nous permet, donc, de nous amener dans des sujets profonds, avec des dialogues directs, efficaces, réalistes, des postures matures des personnages. Encore là, pas de zone de blanc ou noir, on est dans du gris riche, avec un beau trait à l'aquarelle. Donc, vraiment un plaisir de lire cette bande dessinée-là. Et encore là, je vous la recommande si on est justement dans cette trame-là d'aller chercher des récits sensibles, humains, intimes, à travers des réflexions féminines. Eh bien, c'en est une autre à mettre à côté de la suggestion que je vous ai faite, mais pour des raisons largement différentes, dans des tons quand même différents. Donc, Les deux vies de Pénélope de Judith Vanisten Dael. Alors voilà, pour ces deux petits commentaires BD, on poursuit toujours ici à l'émission La vie en BD sur CKRL. Maintenant, La vie en BD, c'est le moment dans le mois où on a le plaisir de recevoir celui qui, depuis déjà quoi, une quinzaine d'années, anime les rendez-vous de la BD. Et ben, en fait, ça a commencé en février 2005. En fait, j'ai presque envie de commencer avec une historique. Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond. En fait, tu as commencé ça en 2005 entre autres, en fait, on parle beaucoup des rencontres où justement tu reçois des auteurs, où en fait tu parles de planches, de thématiques, mais à travers tout ça aussi, en 15 ans, tu reçois parfois des invités, j'ai envie de dire parfois, mais en même temps, t'en as accueilli presque une cinquantaine en 15 ans, c'est quand même pas peu. Et donc, tu procèdes un peu à l'analyse par planche, de discussion à travers tout ça. Et ben, on va plonger un peu dans un de ces sujets où on décortique, nous, en ondes, en amont de la rencontre qui aura lieu, donc, mercredi prochain. Donc, à 19h à la Maison de la littérature, tu vas recevoir un BDiste qui, en 2005, pendant que toi, tu commençais à faire ta médiation, oui. Ben, lui publiait son sixième album, Morlaque, et qui, depuis, s'est taillé une place bien à lui dans le paysage de la bande dessinée québécoise. Et en 2010 et 2019, qui est un peu disparu, donc il n'a rien produit. Et il est revenu en force en avril dernier avec un triptyque Rédemption qui s'appelle Leaftand, et c'est le sujet de ton intervention d'aujourd'hui et du rendez-vous de mercredi prochain. Oui, puis parlant de rédemption, c'est parce que rien n'est simple avec Leaftand. Hein? À commencer par son nom. Et puis, ce serait beaucoup trop simple de dire que l'album, le récit qu'il nous a offert à son retour est simplement un western, puisque Leaftand nous arrive en fait avec ce qu'on pourrait dire, même pas un western crépusculaire, mais le western ultime, puisqu'il s'agit d'un western apocalyptique et au sens littéral du terme. Et je serais tenté, en fait, de dire que c'est une fable mystique et mythologique déguisée en western. Mais, à la lecture, on sent un tel plaisir à jouer avec les codes puis l'esthétique du western que l'auteur lui-même probablement nous dirait, ou nous dira mercredi prochain, que pour lui, le Far West est bien davantage qu'un déguisement, en tout cas dans le triptyque Rédemption. Et puis, quand on y pense, Leaftand de ses premières BD dans le fanzine Tabasco à partir de 97 jusqu'à sa retraite, là, écoute, il a fait un blog pendant toute l'année 2008 qui a publié un album en 2010, puis on n'a jamais entendu parler de lui jusqu'à cette année. Eh bien, il avait jusque-là construit un corpus où prédominait moins l'intention de raconter des histoires que l'exploration des manières de raconter des histoires. Il est reconnu, Leaftand, pour manipuler, pour triturer la grammaire de la BD, si je puis dire, pour jouer avec les codes narratifs puis les codes graphiques de la BD. Et là, cette fois-ci, il joue plutôt avec les codes et les archétypes du genre, du western, qui est un des genres les plus codifiés qui soit, en fait. Et non seulement il joue avec ses codes et ses archétypes, mais au fil du récit, il les fait littéralement exploser dans un délirant mélange de mythologie grecque, de l'apocalypse selon Saint Jean et même de Hellboy. Effectivement, et dans le fond, une parution en rafale de ces trois tomes-là au fil de l'année, donc avril, septembre et octobre ou novembre, en fait, donc ça a été vite, ça a marqué le grand retour de Leaftand, et c'est toujours un peu difficile parce que l'absence était tellement longue, on dirait que, et j'ai fait la même chose en entrevue, c'est un peu incontournable, dans le fond, d'aborder un peu la parenthèse de 10 ans dans laquelle il a travaillé Rédemption aussi, au bout du compte. Oui, mais là, en fait, il faut lui demander quelle portion de ce laps de temps-là a été consacré à l'idéation, je pense juste en termes de mijoteuse, là, mais au mijotement de cette histoire-là. Sauf que je peux pas en dire plus, malheureusement, à ce micro-ci ce soir, pour la simple et bonne raison que je sais strictement rien des raisons de cette longue absence. Et je sais que donc tu le dis aussi que tu l'as reçu. Et je t'avoue que moi, j'ai même pas écouté votre entretien. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Leaftand de ne pas écouter notre entretien de ce soir. C'est fou, c'est peut-être un toc que j'ai, mais c'est comme si je veux toujours me garder vierge. Je lis pas d'autres entretiens avec un auteur que je m'apprête à recevoir. Je veux pas me faire souffler, me faire influencer dans les questions que je vais poser ou la manière que je vais poser les questions. Si je puis dire, jusqu'au soir de l'événement, là, d'avoir le minimum de contact. Bien souvent, la plupart du temps, en fait, je ne lis même pas la biographie de l'invité que je reçois. Je vais m'immerger dans son œuvre, et ça, je pense qu'ils le sentent et ils l'apprécient beaucoup, et je peux leur parler de long en large de leurs différents albums. Mais quand je m'arrange pour, quand je leur pose des questions, ce soit des véritables questions, c'est-à-dire des questions dont je ne connais pas les réponses. Et justement, en fait, c'est ce que j'apprécie particulièrement dans la manière dont tu abordes l'œuvre des auteurs. Donc, c'est ton côté analytique, en fait, la réflexion que tu portes. Et on va en profiter un peu ce soir, justement, de cette réflexion-là. Peut-être d'entrée de jeu, là, pour toi, Leaftand, donc tu as fait une immersion dans son œuvre. Ce serait quoi, peut-être un peu, selon toi, ses principales influences? Eh bien, ça dépend. Et puis encore là, ça, comme je lui ai pas demandé de confirmer, ça va être des hypothèses, mais pour ces BD où il réarrange les cases, la mise en page et la mécanique narrative de la BD, comme par exemple Motus ou bien sûr Morlaq, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le petit Leif dans sa Norvège natale, n'est-ce pas, en train de lire Philémon de Fred ou la rubrique à braque de Gottlieb. Et plus tard, je l'imagine lisant les gags de Jérôme Bigra de Jean-Paul Lide dans les pages de Cro ou en album, et puis aussi, un petit peu plus tard, Julius Corentin à Fac de Marc-Antoine Mathieu. J'ai hâte de voir s'il va nous dire que ça fait partie vraiment de ses influences. Et pour le ton provocateur, ben je pense encore une fois à Gottlieb et compagnie dans Fluide glacial. Par ailleurs, le côté minimaliste de l'album L'origine de la vie, paru d'abord en sous forme de blog, ça me fait un peu penser à Lou Bapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, entre autres des gens comme Kilofer ou encore les expérimentations minimalistes de Lewis Trondheim. Et pour finir, dans les albums plus violents de Leftand, comme Danger public, qui a été scénarisé par Philippe Girard, ou Le Poulpe, Palais dégueulasse, scénarisé par Michel Dolbecq, eh bien, dans ces deux récits-là, je perçois l'influence, par exemple, du Sin City de Frank Miller, ou même des films de Tarantino. Parce que oui, des fois, on déborde de la discipline BD pour aller explorer le cinéma, la littérature et compagnie. Et aussi, j'ai vu vraiment des clins d'œil assez flagrants à un film qui s'appelle, si les gens s'en souviennent, C'est arrivé près de chez vous, qui était un faux documentaire en noir et blanc fait par trois cinéastes belges et sorti en salle en 1992. Et un plaisir là-dedans, en fait, justement, à faire ces allers-retours-là, à essayer de décoder, décrypter ces influences. J'imagine que côté discussion aussi, ça doit être extrêmement stimulant. Ben oui, parce que moi, j'essaie toujours de ne pas me limiter à la bande dessinée, parce que je ne suis pas un geek de bande dessinée qui ne lit que ça. Je me nourris moi-même d'œuvres dans toutes sortes de disciplines, et puis j'essaie de faire, de traduire ça, de transposer ça dans mes présentations. Fait que effectivement, ça ouvre énormément la discussion. J'ai fait ça pas plus tard qu'en décembre, lors de ma présentation sur le western. Je faisais des allers-retours constants entre les BD et les films qui les avaient inspirés. Et il y a des gens qui m'ont passé le commentaire que c'était trippant sur grand écran de voir des belles planches, mais aussi des photos tirées des films ou les affiches des films. Et la beauté de la chose, c'est que ça enrichit d'autant la projection, justement, la dimension visuelle des rencontres. Par exemple, mercredi prochain, de Gottlieb jusqu'à Tarantino, ben on va voir tout ça sur écran. Pour finir, les personnes dans l'assistance vont, je pense, saisir de visu que Leftand s'est nourri de tel artiste ou de telle œuvre cinématographique ou BD-esque, selon ce que lui-même va nous confirmer. Mais les gens vont voir en même temps et toujours de visu que toutes ces influences-là, ces inspirations-là, sont complètement digérées et ensuite restituées à la manière de Leftand. Et en même temps, tu dis, Michel Giguère, à la manière de Leftand, mais d'un autre côté, Leif n'a pas une seule manière. Il y a une production qui est somme toute assez éclatée. Oui, t'as parfaitement raison. On peut pas se limiter à ce que je viens de dire. En fait, c'est un petit peu difficile à concevoir. En fait, on ouvre un nouvel album de lui et puis on se dit, ah, ça c'est du Leftand tout craché, alors qu'en même temps, il s'est sans cesse renouvelé au fil de sa carrière et de ses parutions. Par exemple, ses deux derniers projets sont en couleur, mais jusqu'en 2008, là, il a exploré les possibilités du noir et blanc, essentiellement. Il rehaussait, entre autres, ses planches avec des gris qui étaient appliqués selon diverses méthodes. D'ailleurs, j'ai hâte de lui demander qu'il nous explique sa technique et les différents procédés pour ses tout premiers albums et aussi Le Poulpe, parce que c'est très beau. Et puis après, pour l'album William en 2006, il laisse tomber le gris et opte pour un noir et blanc très tranché, sans hachure, avec des aplats qui donnent des planches très nettes et très contrastées, un style et un rendu qui ne manquent pas de nous faire penser à un autre petit garnement, le Calvin de Bill Watterson. L'année d'après, après William, il renoue avec le gris pour Danger public, mais cette fois-ci, avec une trame qui est appliquée à l'ordinateur, parfaitement uniforme, ce qui confère une esthétique complètement différente de ses autres albums. Et puis, ben, à nouveau, on se retrouve avec des planches très, très, très claires, qui étaient probablement son souci à l'époque. Et parlant d'époque, ben dès l'époque du fanzine Tabasco, là où il signait Asshole, encore là, on va expliquer pourquoi mercredi prochain, eh bien, il avait développé un ancrage très particulier, très reconnaissable, un trait vibrant et bien gras. 12-13 ans plus tard, quand il passe à la couleur, il abandonne le trait contour qui le caractérisait tellement. L'origine de la vie, paru justement en 2010, est conçue sur ordinateur avec des aplats de couleurs qui se déclinent en plus ou moins 4 teintes à peine. Et les combinaisons changent d'un chapitre à l'autre, mais c'est tout simple et il n'y a plus de traits contours. Pour Redemption, son tout dernier projet de cet automne, il utilise la même technique d'aplat de quelques couleurs à peine, mais à la différence de l'origine de la vie, il revient avec le trait, mais seulement pour à peu près la moitié des cases. Des fois, il n'y a pas de trait, des fois, il y en a. Alors, bref, d'un album à l'autre, on reconnaît le ton caustique, l'humour un brin baveux de Left Hand, mais sur le plan formel et esthétique, il nous apporte chaque fois quelque chose de neuf. Oui, je trouve intéressant ce point-là, et j'ai presque envie qu'on fasse une parenthèse dans tes éléments, dans la mesure où, même juste pour Redemption, dans le fond, pour moi, chaque tome en soi est un ton différent, donc même dans une même série, il va réussir aussi à apporter quelque chose de neuf, où finalement, oui, c'est une œuvre suivie, mais chacun des tomes, c'est assez différent dans le ton, dans le rythme, dans l'esprit, donc même dans une même série, il va garder cette volonté de faire du neuf, dans le fond. Oui, puis je pense que lui-même a besoin de, je ne sais pas si on peut parler de se mettre en danger, mais de se surprendre lui-même. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui, on a vu, il a arrêté de faire la bande dessinée pendant un bon bout de temps. Alors, je pense qu'il faut que ça lui apporte quelque chose. Il faut qu'il sente une motivation sûrement, une espèce de goût du risque. Et puis oui, au sein d'un même album, il peut y avoir comme des chapitres, mais tout ça est tout le temps très structuré. C'est pas de l'improvisation. Il y a une structure dans laquelle il s'amuse à proposer peut-être des esthétiques ou des couleurs, une ambiance à travers des couleurs justement qui va différer d'un chapitre à l'autre. Et pour revenir, en fait, tu mentionnais aussi l'origine de la vie tantôt et je pense que tu viens de parler de risque. Je trouve que ça serait bon de revenir un peu là-dessus parce que c'est un projet assez spécial, un pari assez audacieux. Le gros album là, qui est disponible actuellement est en fait à la Pastèque. C'est une post-publication d'un blog que Liv Tan a tenu pendant un an en 2008. Il s'est astreint à réaliser un gag d'une planche par jour autour d'une cellule. Ouais, genre de projet un peu fou. L'album en question, tu vois, il est pas paginé. Chaque planche est datée, cependant. Mais en théorie, j'ai pas vérifié page par page, mais on peut conclure qu'il compte 365 planches, qu'il s'en est tenu à vraiment strictement à son défi qui s'était posé. C'est ça, il se met constamment en danger avec ce genre de concept-là. Souvent, il a des albums concept. Et c'est rien de dire qu'il fait pas de BD commercial. Hein. En tant que BDiste, Left Hand, c'est pour moi... je dirais un incorruptible de l'exploration, un marginal inoxydable. Il saura nous raconter mercredi prochain si par exemple, il est satisfait de la visibilité médiatique et puis de la diffusion dont ont bénéficié ses différents albums, s'il a connu des difficultés à placer tel ou tel projet chez des éditeurs. Mais il y en a tout de même plusieurs de ces éditeurs-là qui ont reconnu son professionnalisme et qui ont porté ses idées, même si c'était des projets un peu casse-gueule, et t'as nommé La Pastèque, qui tout d'abord l'avait inclus dans les pages de la revue Spoutnik, si on s'en souvient, mais aussi, comme éditeur, il y a aussi dans l'ordre chronologique Les 400 coups, Six pieds sous terre, et puis en 2019, Glénat. Pour ma part, moi, au rendez-vous de la BD, je suis très heureux de le présenter au public, à celles et ceux qui l'ont suivi, comme aux autres, qui vont le découvrir mercredi qui vient. Et je fais une parenthèse aussi là-dessus, dans la mesure où, pour avoir assisté à quelques-unes des rencontres que tu proposes, le fait que, et pour ceux qui n'ont jamais assisté dans le fond, et qui disent, ben on a déjà entendu une heure et demie Leaf jaser de sa BD à l'émission, le fait d'analyser et d'aller en profondeur dans l'œuvre, dans l'esthétique, dans les influences et le reste, ça amène toujours tes entrevues à aller complètement ailleurs ou parfois d'aller chercher des éléments qu'on n'aurait pas pu découvrir dans un autre contexte. Donc avec l'écran, avec les planches, dans ce contexte d'échange-là, avec la profondeur de la réflexion en amont de cette entrevue-là, ça te permet d'aller chercher des éléments additionnels. Alors, j'insiste fortement les gens à aller à profiter de cet échange-là. Il y en a quand même quelques-uns qui s'en viennent. Il y a celui, donc, mercredi qui vient, le 12 février à 19h. Il y en aura un autre aussi, comme c'est de tradition, dans le contexte du Festival de la bande dessinée de Québec. Avec on sait pas qui comme invité, parce que ça va se décider plus tard. Exact. Et donc, ça, c'est deux opportunités d'aller voir d'autres genres d'entrevues que celles qu'on entend généralement. Là, ça fait plaisir d'entendre ce que tu dis, d'autant que on me dit souvent, ah, j'ai raté ta soirée ou je peux pas aller à tes soirées, pourquoi c'est pas visible en ligne, nanana. Puis bon, d'une part, il y a toute une question de droit d'auteur qui m'embête un peu, mais juste écouter, pour moi, ça donnerait pas une bonne idée de ce que c'est. Et puis, je te dirais, même voir des images en ligne sur un écran d'ordinateur, tout seul dans ton bureau non plus, j'ai envie de répondre aux gens, vous aimez pas ça, l'événementiel? Et puis, ce qui rend un événement précieux, c'est que c'est éphémère, ça passe, mais si t'es là, t'es là. Et puis, donc, quand il y a le rythme, il y a les images sur grand écran, il y a la présence, il y a ne serait-ce que de sentir la surprise ou l'émotion de l'animateur ou de son invité, ça se remplace pas. Alors, l'invitation est lancée pour le 12 février, 19h, la Maison de la littérature. Aucune réservation requise, on arrive et on écoute. Michel Giguère, on se dit à très bientôt. Le mois prochain. Et ben nous, c'est ainsi que se termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on sera avec vous comme à l'habitude. C'était Raymond Poirier au micro. On vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.